lieux. Un état des lieux. Un état des lieux, oui. Savoir exactement où on en est. Une façon de remettre les compteurs à zéro. Les compteurs... Quels compteurs? Je comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Tu vois pas du tout? Ah non, là, je t'assure, j'ai beau... Non. Tu n'as pas toujours été irréprochable. Pas irréprochable? Moi, pas irréprochable, mais reprochable de quoi? Qu'est-ce que tu me reproches? Maxime, c'est lassant. Je le sais, tu le sais, tu sais que je le sais. Alors, s'il te plaît, arrête avec tes airs de martien innocent. Je vis avec toi depuis assez longtemps pour deviner ces choses. Que tu caches de plus en plus mal, entre parenthèses. Je t'aime, je ne te juge pas. Tu es comme tu es, je t'ai choisi, je ne reviens pas là-dessus. Je veux juste un chiffre. Tu vois, c'est pas difficile, hein? Un chiffre. Combien? Combien de quoi? Il y en a eu combien d'affaires, de coucheries, de... ce que tu veux, hein? T'appelles ça comme tu veux, hein? Combien? Ah, c'est de ça que tu parles? Oui, c'est de ça que je parle. Je suis, je sais pas, je cherche le mot, je suis... Combien? Consterné. Combien? T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, oui, oui, j'ai entendu que tu es consterné, d'accord. Combien? Tu tiens à savoir? Très bien. Mais c'est toi qui commences. Je commence quoi? Qu'est-ce que je commence? Tu commences. Tu me poses une question, je te pose la même question. Tu réponds, je réponds. Tu me demandes combien, je te demande combien. Tu me le demandes à moi. Mais oui, je te le demande. À toi, excuse-moi, mais je réfléchis de temps en temps. Si tu prends avec autant de placidité le fait que je ne sois pas irréprochable, c'est que peut-être tu n'es pas irréprochable non plus. Ah, tu veux remettre les compteurs à zéro, pas un compteur, les compteurs. Il y a deux compteurs. Il y a toi, il y a moi, il y a deux compteurs. C'est pas par hasard que tu parles de ça d'ailleurs. Tu ne dis jamais rien par hasard. Si tu parles, je parle. D'accord, ça me paraît négociable. Tu me donnes ton chiffre, je te donne le mien. Voilà. Pas de nom. Pas de nom, si tu veux. Peu importe qui. Peu importe qui. Très bien, vas-y. Non, vas-y toi, pourquoi moi le premier? Parce que ma réponse pourrait influencer la tienne. Hein. Non, je crois pas, franchement. Ah non, mais je crois pas du tout. Non, Maxime. Je te dis que non. Tu as peur? Hein? Quel mot, peur? Oh non, je n'ai pas peur. J'ai peur d'un tas de choses. Mais peur de ça, non. Ah bon, très bien. Tu n'as pas peur, je n'ai pas peur, personne n'a peur. Hein, tu peux être tranquille, on se pardonne d'avance. Amnistie générale. Psst. Allez, allez. Allez, quoi, un peu de courage. Bon, alors, puisque ça te fait plaisir, tu m'écoutes. Je suis suspendue. Bon, eh bien, oui. Quelques-unes, je sais pas, en tous les cas, voilà, je reconnais, il y en a eu quelques-unes. Bon, je crois que t'as absolument rien compris. Quoi? Bah non, mais ça n'est valable qu'avec un chiffre. Quelques-unes, c'est vague. Combien, c'est une quantité exacte. C'est un chiffre précis. Qu'est-ce que ça va changer? À partir de l'instant où je te dis oui, j'en reconnais quelques-unes, oui. Non, ça suffit pas, il s'agit pas de me répondre oui, c'est trop facile. Je le sais que c'est oui. La question, c'est pas oui ou non, c'est combien. D'accord, alors, laisse-moi me concentrer. Tu veux que je t'aide? Non, non, non. Enfin, si tu veux me lancer, je te dirai si c'est plus ou si c'est moins. Six, sept. Hein? J'ai dit 6, 7. Oui. Disons peut-être un peu plus. 9. 9. Une dizaine. Oh, 10. Non, pas 10, une dizaine. Ah, ouais, c'est pas la même chose. Ah non, 10, c'est 10. Une dizaine, c'est autour. 12 peut-être. 12. 12, ça dépasse pas les 12. 12. Voilà, 12. Oh, c'est pas non plus. Oh bah dis, elle ne soit pas modeste. Ça y est, t'es contente. Contente, c'est peut-être pas le mot. 12. Tu reconnais que j'ai du mérite, hein? De quoi? De pas t'arracher la tête, hein? De conserver mon calme? Non, parce qu'à ma place, il y en a qui tuent, hein? Je sais pas si t'es au courant. Tu as dit amnistie générale. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Tu l'as dit. Bon, maintenant, j'estime qu'on a assez parlé de moi. Chacun son tour. Oh, moi, je te préviens, tu vas être déçu. Ça veut dire quoi, ça? Moins. Nettement, oui. C'est même pas ça du tout. La moitié. Beaucoup moins. 4, 3... Descends encore. Pas zéro, quand même. Ben non, pas zéro. Un seul. Tu peux recommencer. Un seul. Un seul. Ouais. Pas plus. Non. Un. Faut que je te le chante, hein. J'étais trompé avec 12 femmes et tu m'as trompé avec un seul homme. Ouais. Mais t'as pas l'air de réaliser. Quoi? Tu m'annonces des choses dont tu ne mesures pas la portée. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est énorme. Pardon? C'est énorme. Bah non, j'ai dit un. Bah un, c'est énorme. Bah tu ne me crois pas? Mais si, je te crois. C'est bien ça le problème, je te crois. Un seul, tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que ça représente. Tu vas peut-être m'expliquer. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Moi, j'arrive pas à... T'arrives pas à quoi? Attends, restons calmes, c'est pas facile, mais restons calmes. Ça a duré combien de temps? Pourquoi faire? Ça a duré combien de temps? Je te re-réponds, pourquoi faire? Ça n'a pas eu lieu qu'une seule fois. Non. Donc, un seul, mais... plusieurs fois, c'est ça? Ouais. Combien de fois? Et toi? Hein, moi? Mmh. Moi? Oui, toi. Certaines, ça n'a été qu'une fois. D'autres, un peu plus. Moi, ça a été variable. Tandis que toi, ça s'est installé. Oh, installé, oui, si on veut. Combien de temps? Oh, je vois pas l'intérêt de cette question. Dis plutôt que t'es pas à l'aise. Ah, si, je suis très à l'aise. Tu me regardes pas? Non, je te connais par cœur. Regarde-moi! Je te le demande posément et avec beaucoup de patience, mais une patience qui a ses limites. Combien de temps? C'était pas un quart d'heure. Non. Plus. Bah oui, fatalement. Combien? Oh, puisque ça a l'air capital, je vais te répondre. Neuf mois. J'articule mal? 9 mois? Ouais. Enfin, tu sais ce que c'est, 9 mois? Oui, je crois, oui. J'ai besoin de m'asseoir. Et toi, combien de temps? Je te dis que pour certaines, ça n'a été qu'une fois. Une fois, c'est une heure. Et encore, je me vante. Ça, c'est la plus courte, mais la plus longue. La plus longue, ça veut dire quoi? Si j'arrive à 4 semaines, c'est le bout du monde. Et encore, de façon très morcelée, des petits bouts. Et le total des petits bouts, si on les additionne, on est à plus de 9 mois? Oui. Ah, donc tu me dépasses. Alors, qu'est-ce que tu cherches à démontrer, là? Ou bien tu fais exprès de ne pas comprendre, ou alors tu réfléchis pas. S'il y en a eu 12, c'est que c'était superficiel. 12, ça veut dire des rencontres plus ou moins légères, ludiques, accidentelles, sans conséquences. On ne peut pas s'impliquer 12 fois dans une histoire, surtout moi. En plus, c'était souvent à l'étranger, des voyages pour le boulot, tu te retrouves dans une chambre d'hôtel, t'es seul, tu t'emmerdes un peu, forcément, l'idée te passe par la tête. Mais et pendant 9 mois, ça sous-entend que tu n'as pas partagé que du sexe avec lui, et c'est ça que je trouve infiniment plus grave. Mais oui, vous avez dû aller dans des endroits comme, je sais pas moi, des musées, des cinémas, des expositions. Déjà, intellectuellement, c'est aller beaucoup plus loin. Ah, intellectuellement? Ben oui, je suppose qu'il a l'esprit. C'est pas un primate. Oui, évidemment. Alors, vous avez dû parler de littérature, de musique, de botanique, de politique, de gastronomie, d'ésotérisme. Oui, ben c'est ça mon problème. Il est là. En 9 mois, on peut faire une foule de choses. Et toi, tu n'as pas fait une foule de choses avec tes 12? Jamais. J'aurais eu l'impression de franchir des limites. Moi, c'était pas cérébral. Puisque c'était court, les corps se mélangent, mais les têtes restent séparées. D'ailleurs, quand un homme couche avec une femme, ça va jamais très loin. Physiquement parlant, il pénètre et il ressort. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Les variantes, on vos yeux, les variantes sont réduites. Le sexe comporte des limites, ne serait-ce que morphologiques. La fusion des corps est finalement un concept très exagéré, tandis que partager des conceptions, formuler des désirs, exprimer des émotions, se révéler des secrets, ça en fait des choses. On accède à un territoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus intime. C'est très intéressant, hein, ce que tu me dis. Il m'arrive de dire des choses intéressantes, Jeanne. C'est qui? Ah, alors là, désolé, on n'avait dit pas de nom. Si tu dis ça, c'est que je le connais. Pas forcément. Alors, si je ne le connais pas, en quoi c'est gênant? Tu me donnes un nom, un âge, une profession, un profil. Non. Pourquoi? Non. Dis-moi, il s'appelle Georges Martin, il a 35 ans, il est chauffeur de taxi, il habite La Rochelle, puis c'est terminé. Ce n'est pas Georges Martin de La Rochelle. Jeanne, ne me pousse pas. Bon, et toi, nom, prénom, âge, profession, profil? Moi? Mais si tu me demandes de faire la liste de ces 12 femmes, pour la moitié, les trois quarts, mais j'en serais absolument incapable. Elles se sont mélangées, elles se sont évanouies, elles se sont dissoutes. Elles étaient solubles. Solubles? Tandis que toi, au moment où tu me parles, à cet instant précis, là, tu vois son visage, ses détails, ses mains. Et encore, je suis poli. Et ne me dis pas le contraire, je te jure, ça va m'énerver. Non, je te dis pas le contraire. Hein. Je vois son visage, ses yeux, ses mains. Bon, hein, tout un tas d'autres choses. Forcément, s'il n'y en a eu qu'un seul, je risque pas de mélanger. Hein, c'est unique. Tu reconnais qu'il était unique? Mais complètement. Non, mais contrairement à toi, qui affirme n'avoir eu que des liaisons multiples, interchangeables, dénuées de sentiments, solubles, en clair, qui te targue d'avoir couché pour coucher, moi, j'ai pris le temps de vivre cette aventure, de bien en profiter. Tu me provoques. Non, Maxime. Tu me provoques. Et en quoi je te provoque? J'admets avoir mieux connu cet homme que tu n'as connu tes 12 femmes. Chacun son style. Moi, j'ai développé, j'ai approfondi. Toi, il fallait que ça aille vite. Un mâle qui désire frénétiquement, se fiche de savoir si sa conquête préfère la mer ou la montagne, l'automne ou le printemps, si son enfance a été heureuse ou dramatique, bref, tout un tas de conneries sans intérêt. Hein? Un mâle n'est attiré que parce qu'il est lisible à l'œil nu. La forme des seins, le grain de peau, le moelleux, à la rigueur la voix. Bah moi, non. Pas seulement. Jeanne. Oui, Maxime. Je veux savoir son nom. Non. Je t'ai dit tout ce que je pouvais te dire. Maintenant, c'est fini. Tu as eu ma réponse, j'ai eu ta réponse. Hein? Bon. Essayons de reprendre paisiblement le cours de notre vie conjugale en faisant abstraction de ce qui vient d'être révélé. Hein? Voilà. Enfin, comment veux-tu abstraire 9 mois qui viennent de surgir brusquement de me sauter à la gorge? Et toi, parmi les 12, il n'y en a pas une ou deux que je connais? Peut-être même que certaines font partie de mes amies. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça, quoi? Non, mais tu parles d'amis? Ben oui, ces femmes avec lesquelles tu as couché, je les ai peut-être rencontrées. Ou même fréquentées. Jamais! Jamais? Jamais! T'en es sûr? Oh, tu me prends pour qui? N'a pas une ou deux? Non! Non? Réfléchis bien. Pour moi, c'était que des inconnus. Total! Tu les rencontrais comment? Je n'ai jamais eu besoin de toi pour rencontrer quiconque. Je me débrouille très bien tout seul. Tu n'en connais aucune, tu n'en as croisé aucune. Il n'y a aucun nom, aucun visage qui te dirait quoi que ce soit. J'ai toujours eu la délicatesse, que dis-je, la délicatesse, la règle de conduite, la déontologie, d'éviter de choisir ces femmes parmi le répertoire de nos relations communes. Oh! Tandis que toi, j'en suis moins sûr. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton hésitation à me dire qui est-ce. Je n'hésite pas, je refuse. Donc je le connais! Je le connais! Quelle différence? Mais la différence est que si je le connais, il me connaît. Tu as une relation avec un homme qui, non content de coucher avec une jolie femme, a eu la satisfaction de savoir qu'il me la volait. Ah, nous y voilà. Ce n'est pas le mari blessé qui souffre, c'est le propriétaire qui se plaint qu'un rôdeur se soit introduit dans son domaine par effraction. Que tu le veuilles ou non, le mariage nous rend propriétaires. Tu m'appartiens et je t'appartiens. Et quand une tierce personne se glisse entre nous, alors oui, il y a infraction. De propriétaire à propriétaire, j'ai été 12 fois victime d'effraction. Attends, tu n'es pas en train de me dire. Non mais attends, rassure-moi. Ton histoire de domaine, là, de propriétaire, c'est une métaphore. Il n'est pas venu ici, j'espère. Parce que moi, je te préviens tout de suite, chez nous, c'est un territoire sacré. Personne n'y a mis les pieds. Ça s'est toujours passé ailleurs. Et vous? Nous, en 9 mois, on a connu des tas de lieux. Hein. Donc... Quoi? Quoi? Oui, la cuisine. Là? La cuisine. Alors, non seulement ce type me vole ma femme, mais il viole notre espace intime. Oh non, espace intime, je ne savais pas s'il pontifiait. Mais je pontifiais rien du tout. Je dis clairement et brusquement que ce salopard devait être doublement excité. Et qui te dit que cette chose n'a pas été vécue pour lui comme un enfer? Qui n'a pas eu des scrupules? Des scrupules. Ah, mais... Tu sais, il y a des gens qui ont des scrupules. Ah, non, mais c'est sûr. Pendant 9 mois, ce type s'est dit, je suis un être ignoble, mais je ne peux pas résister. Pendant 9 mois, ce type s'est senti coupable, mais aujourd'hui, mais il doit avoir une douzaine d'ulcères à l'estomac. Ou alors, selon l'hypothèse la plus probable, c'est toi qui l'entraînais, avec des arguments du genre... T'inquiète pas pour lui, c'est pas un enfant de cœur. Ah, oh, bah tu vois quand tu réfléchis. Là, tu viens de taper juste. Je l'ai pas dit comme ça. Mais je l'ai dit. J'ignorais qu'il y en avait eu 12, mais je savais que tu étais loin d'être un exemple de fidélité, ce qui a eu pour effet d'affaiblir considérablement notre mauvaise conscience. Donc, tu ne vivais pas mes petites infractions dans la douleur. Bien au contraire, ça légitimer tes horreurs. Horreur, le culot. Quoi, entorse? Tu préfères? Non, tu as commis 12 entorses, mais... j'en ai commis une seule. Alors si l'un de nous devrait être contrarié, il me semble, mais je dis ça avec précaution, il me semble que c'est moi. Enfin, je m'escrime à te démontrer que la supériorité numérique n'a rien à voir. Plus elles sont nombreuses, moins elles existent. Non, c'est... non mais il y a un effet de dilution. Non. Arrête avec tes comparaisons chimiques, hein. Il n'y a pas de dilution. Non, il y a 12 bonnes femmes, bien réelles, que tu t'es frauduleusement envoyées, hein, que tu t'es tapées en te foutant royalement des conséquences. Ben, il y avait zéro conséquence puisque j'avais pas l'intention de te le dire. Ben dans ce cas, fallait pas avouer. Mais c'est toi qui me... Ben, ça... Alors là, je suis admiratif devant ta perversité. Et là, maintenant, là, c'est fini. De quoi? Qu'est-ce qui est fini? Votre affaire. Mais je t'ai dit que ça avait duré 9 mois. Sinon, je t'aurais dit ça dure depuis 9 mois. Donc, c'est fini. Ouais. Ça fait combien de temps? Je sais pas. Tu le revois? Je t'ai dit que c'est fini. Donc, tu le revois plus? Si. Comment tu peux le revoir si c'est fini? On se revoit sur un mode différent. Ah ouais. Amical. Bon. On arrête maintenant. Qui est-ce? Je ne sais pas. Qui a décidé d'arrêter? Je ne sais pas. Là, si tu peux répondre, il y en a un des deux qui a dit on arrête. C'est lui ou c'est toi? C'est moi. Parce que lui voulait que ça continue. Non. Ah si, c'est logique. Là, j'essaie de comprendre. Si c'est toi qui as décidé d'arrêter, c'est que lui était très bien comme ça. Non, il n'était pas très bien comme ça. Il n'était même pas bien du tout. Alors, pourquoi as-tu décidé de mettre un terme à cette histoire? J'ai décidé de mettre un terme parce que ça devenait compliqué, d'un point de vue logistique. Oh. C'était un casse-tête. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de tromper son mari que le contraire, hein. Surtout si elle ne travaille pas. Ça laisse du temps, oui, mais il faut un alibi à chaque fois. Et oui. Alors que l'homme qui travaille bénéficie d'un alibi permanent, hein. Tu es bien placé pour le savoir. C'est pas faux. Ah. Non, puis il y avait autre chose. Oui. Tu tiens vraiment à savoir, hein. Le plus possible. Il n'était pas libre. D'accord. Ah. Ça se corse. Pas libre tous les deux. Non. Chaque entrevue supposait donc, non pas un mensonge, mais deux mensonges. Deux mensonges, oui. Marié. Pas libre, j'ai dit. Pas libre égale marié. Peut-être, c'est pas... Marié. On avance. Ça réduit le champ des recherches. Bon, stop, je suis fatiguée, Maxime. Moi aussi, je suis fatiguée. Alors, tu me dis qui et on arrête. De quoi t'as peur? Que je lui casse la tête? Tu m'as déjà vu frapper quelqu'un? Non. Non, non, c'est vrai, tu es pacifique. Écoute, je te fais une proposition. Non, c'est pas la peine. Écoute, avant de refuser, tu me dis son nom. Et tu sais quoi? Je ne ferai aucun commentaire. Pas un mot, même pas une mimique, rien. On tourne la page, plus jamais on en reparle, plus jamais je ne reviendrai là-dessus. C'est vrai, tu me le jures. Sur ce que j'ai de plus cher. C'est non, quand même. Marilyn Lemaire. Pardon? Marilyn Lemaire. Marilyn Lemaire, c'est quoi ça? Tu vois, moi, je te donne un nom. Marilyn Lemaire. Ah non, mais je sais pas qui c'est, hein, ça me dit rien. Évidemment, ça te dit rien. T'avais dit que tu n'en connaissais aucune. Je te révèle ce nom pour te prouver ma bonne volonté. Je suis prêt à faire un effort de mémoire. Marilyn Lemaire a été à un moment de ma vie une aventure récréative. Mais encore? 32 ans, commerciale dans une société avec laquelle nous étions en relation, divorcée, un enfant rousse, mais c'est pas sa vraie couleur. Ah oh non. Le maire. En un seul mot, le maire. Combien de fois? 3 fois. Ah, donc ça valait le coup, hein? Pas un souvenir frappant, sans plus. Oh, dommage. Anne Vikovic. Hein? 27 ans, célibataire, sans enfant, 1 fois. Anne Vikovic. C'est joli, ça sonne bien. Je te parle de quelqu'un de vrai. Ah, écoute, Mathilde, tu peux raconter n'importe quoi. Tu peux me réciter le bottin, tu peux me donner des identités de femmes qui existent, qui n'existent pas. Ces noms n'ont aucun sens pour moi. Alors cesse. Tu as ma parole que si tu me donnes... Je ne veux pas, je refuse. Jeanne, attention. Jeanne, je te parle de ma parole. Mais je me contrefous de ta parole. Mais quelle parole? Tu as le culot de me donner ta parole? Alors que tu m'as menti pendant des années, elle vaut quoi ta parole? Tu t'écoutes parler en ce moment? Oui, je m'écoute parler, c'est toi qui m'écoutes parler. Ça sonne, t'entends pas? Tu me fais beaucoup de peine, Jeanne. Merci, mes téléphones. Tu me fais une peine immense. Allô? Ah, salut, Claude. Non, pas du tout, rien de spécial. Et toi? Je lui demande. Claude te propose un tennis. Oh! Non. Non. Non, elle s'excuse, tu n'en veux pas? Bon, c'est gentil. D'accord. Très bien, pas de problème. Claude, Jeanne me fait de grands signes pour que tu viennes déjeuner. Ah oui, aujourd'hui il fait beau, on mangera sur la terrasse. T'avais un autre programme. Ben alors, qu'est-ce qui t'empêche? Ben écoute, moi je te le proposerai pas si ça nous dérangeait. D'accord. Parfait. Très bien. Très bien. Jeanne t'embrasse. Voilà. Pardon? Rien. Non, j'ai dit voilà. Il s'apprêtait à aller au tennis, je l'ai dérouté pour qu'il vienne déjeuner, il va arriver. Qu'est-ce que tu cherches, Maxime? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai pas envie de voir Claude, voilà ce qui me dérange. Tu n'as pas envie de le voir du tout ou tu n'as pas envie de le voir devant moi? Non. Oh non, non, c'est invraisemblable. Non, mais j'invite un bon copain à passer à la maison, au point. Où est le drap? Claude. Claude, oui, pourquoi pas? Comme ça, d'un seul coup, au pied levé. Comme ça, d'un seul coup, au pied levé. Ah ben, je te signale au passage qu'Amalia est absente toute la semaine. C'est pas pour ça qu'on doit cesser mourir de faim. Ah oui, qui va cuisiner? On fera simple. Ce n'est pas parce que Amalia n'est pas là qu'on ne peut pas recevoir un ami à déjeuner. On mettra un plat cuisiné dans le micro-ondes. C'est ridicule. Le micro-ondes, c'est ridicule. Tu crois, tu imagines, tu conçois... Non. Attends, bah laisse-moi non, finir. Non, non, non, non, non, je te coupe, je ne crois rien, je ne conçois rien, je n'imagine rien. J'invite un ami à déjeuner, mon ami, Claude est mon ami, avant d'être le tien. Ce n'est pas parce que régulièrement vous jouez au tennis et que pour des raisons strictement articulaires... Je me suis toujours tenu à l'écart de vos confrontations sportives, que tu pourrais brusquement t'arroger le droit de décider de quand il pourrait nous rendre visite. Je ne comprends pas ce soudain mouvement de panique. Tu lis de la panique. Alors dis-moi ce que je dois lire. Qu'est-ce que tu lui veux? À Claude? Non, Maxime, arrête avec cette candeur. Je te jure, c'est exaspérant. Nous savons tous les deux ce que tu es en train de te fourrer dans le crâne et qui est, je te le dis, carrément grotesque. Si tu crois que le coupable, c'est Claude, je te réponds tout de suite non. Continue. Quoi? Continue. Le coupable n'est pas Claude. Très bien. Je te crois. Le coupable, c'est qui? Oh, c'est... Claude est le suspect idéal. Marié, divorcé, depuis peu. Ton ami, le suspect idéal? Si c'était le cas, ce serait un traître. Hein? Jeanne, si tu as mis autant d'énergie à ne pas me divulguer le nom de cet homme, c'est parce que, premièrement, je le connais, deuxièmement, parce que je le connais bien, et troisièmement, parce que c'est un ami. Un traître, par définition, c'est un ami. Tu t'es mal pris, il fallait inventer un coupable de toute pièce. Maintenant, c'est trop tard, tu peux pas revenir en arrière. Enfin, c'est burlesque. Claude, tu nous vois ? Parfaitement. Son mariage avec Astrid Brinck-Ballet, la preuve, c'est fini. Et tu viens de dire qu'au moment des faits, il n'était pas libre. Jusque-là, ça s'emboîte. Bon, il va venir et tu vas l'interroger. Il va venir et nous allons bavarder. Non. Moi, je refuse de participer à ce piège. Refuse, personne ne t'oblige à rester. Pour ce qui est d'Amalia, je la remplacerai. Le congélateur est plein et j'ai quelques bonnes bouteilles. Tu fais ce que tu veux, Jeanne. Je ne t'oblige à rien, tu es libre. Jeanne, tu es libre, réfléchis. Ton invitation me touche beaucoup. Normal, on s'adore et on se voit très peu. On s'adore et on se voit très peu. Ah, il y a longtemps que tu venais plus, ça fait bien. 3 mois. Plus, beaucoup plus. Non, 3 mois. Ah. Oh, 3 mois, c'est pas rien. Tes tennis avec Jeanne, c'est bien joli, mais ça ne remplace pas une petite visite maison. C'est un peu ta faute, t'as cessé de jouer. Recommandation de mon ostéopathe. Ma clavicule. Pourtant, t'étais pas le plus mauvais. De toi à moi, je trouve ça un peu chiant, le tennis. 40, 40A, avantage, égalité. C'est ce que je fais à la place. Golf. Poker. Plus d'adrénaline, moins de courbatures. Je te concède que pour les poumons, c'est peut-être moins recommandé. Mais... Jeanne est dans sa chambre ? Non. Ah. On est sortis. Sorti, comment ça ? Partie. J'ai pas bien compris si elle avait à faire ou si elle n'avait pas envie d'être là, mais... T'es déçu. Non, enfin, j'avais cru comprendre qu'on déjeunait tous les trois. Elle a hésité. Elle voulait pas me voir. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle t'adore. Tu me disais au téléphone qu'elle insistait pour que je vienne. Oui. Elle insiste et elle s'en va. Écoute, tu lui demanderas quand vous vous verrez tous les deux. Tu l'as pour toi tout seul quand vous jouez au tennis. Je peux bien t'avoir pour moi tout seul à déjeuner. Non ? Si. Autre chose, Amalia n'est pas là. Ce sera du Picard. Ça te va quand même ? Picard, c'est du froid. Micro-ondes. Tu veux annuler ? Non ! Cette pauvre Amalia prend quasiment jamais de vacances. En fin d'été, comme ça, une fois dans l'année... Oh. Bien sûr ! Qu'est-ce que j'ai ? Je sais pas. Tu manques de... De tonus, oui. Je dors pas très bien depuis quelque temps. J'ai beau m'exténuer au tennis, rien à faire. Pourquoi ? Pourquoi je dors pas très bien ? Si je le savais... Enfin si, j'ai bien une petite idée. Ah ! Toi, en revanche, t'as l'air... Oui. Non, je trouve... Un peu préoccupé, peut-être. Ton travail ? Non, ça va. Toujours... Oui, toujours... Ça m'étonne peu. Une fois qu'on me connaît, finalement, je suis quelqu'un qui étonne très peu. En fait, t'as vu la voiture en arrivant ? La voiture ? Ah oui, la tienne ! Quoi, t'as rien remarqué ? Si. Quoi ? C'est pas la même. J'ai changé. Celle-là, je l'ai depuis 15 jours. L'autre n'était pas toute neuve ? 8000 km, j'en avais marre. T'es content alors ? La motorisation est sans comparaison. Je monte à 140 km/h en 9 secondes. Ah oui, alors là... Hein ? Oh. Ah, ah, ah. Oh, alors. Je devine ce que tu penses. Mais tu me dis ça exprès pour que je le pense. Tu sais, je ne l'ai jamais dit, mais la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as fait une impression désastreuse. Moi ? Je me suis dit, ce type, c'est pas possible. Continue. Bah avant de te connaître, je haïssais les hommes comme toi. Ceux qui portent la réussite collée sur leur front, qui paradent où qu'ils soient, les pétris de confiance, les bombés du torse, les détenteurs de toutes les vérités. Je trouvais ces gens vulgaires. Excuse-moi, hein, mais t'en étais l'illustration parfaite. Une belle femme, une belle maison, une voiture différente tous les ans, de préférence la plus tapageuse. Ben, j'irais même plus loin, t'étais un adversaire politique, idéologique, philosophique, un ennemi presque. Pour moi, un homme digne d'intérêt devait être obligatoirement rongé par le doute, se dévaloriser en permanence, se complaire dans l'autocritique. C'est vrai que tu manies peu l'humilité. Mais je te l'accorde. Et puis à force de t'observer, c'est moi qui ai commencé à me remettre en question. Cette réserve excessive que je brandissais en toutes circonstances, ce scepticisme de bon aloi, c'était finalement plus ostentatoire que ta réussite. J'étais devenu un extrémiste du peut-être, d'une modestie tonitruante, posture. On m'a toujours appris que le doute s'apparente à l'intelligence et la certitude à la bêtise. C'est comme ça, hein, personne n'y peut rien. Alors forcément, moi un peu mouton. Puis je me suis dit, non, c'est moi, c'est peut-être moi qui ai tout faux. Alors pour savoir de nous deux lequel avait raison, j'ai pensé, il n'y a qu'une chose qui puisse nous départager. C'est le bonheur. Et ça se mesure, le bonheur. Qui est le plus heureux de nous deux? Bon, là, il n'y avait plus de discussion possible. T'as toujours été plus heureux que moi. Comment tu peux en être si sûr? Ah, le constat est accablant. Sous l'angle matériel, j'ai toujours été obligé de calculer ce que je pouvais m'offrir et ce dont je devais impérativement me passer. Ça n'a jamais été ton cas. Sur le plan du travail, tu diriges des collaborateurs brillants. Moi, j'ai toujours obéi à des cons. Sur la vie privée, à ma connaissance, t'as jamais été gravement touché. Moi, je suis plein de cicatrices. Une adolescence problématique. Un mariage incongru qui se solde par un divorce meurtrier. Toi, t'as collectionné les conquêtes et puis épousé une femme magnifique qui continue de te rendre heureuse. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait changer d'avis sur toi. Elle m'a défendu. Non, c'est juste en l'observant. Je me suis dit, une femme aussi bien ne peut pas avoir choisi un homme aussi con. Je suis ravi d'avoir finalement gagné ton estime. Oui, bon, c'est peut-être parce que je ne vais pas très bien que je me permette de dire tout ça. Si je peux t'aider, oh, dis toujours. C'est un tout. Astrid. Pas seulement. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, ça fait quelque temps que j'ai perdu mon emploi. Viré de la boîte comme ça, d'un seul coup, je ramenais plus aucun contrat, le chef de district m'a convoqué un bon matin, vous connaissez la règle, cher ami. Oui, je la connais très bien, parfait, bien alors au revoir, cher ami. Et voilà, remercié, dehors, terminé, plus de boulot. Quand j'avais été embauché, le même bonhomme qui m'avait reçu m'avait dit avec un grand sourire, vous verrez, les choses ici peuvent aller très vite. Moi, j'avais pas pigé que ça pouvait être dans le sens de la sortie. Hein. Et tu attends aujourd'hui pour me le dire. Jeanne le sait. Quel rapport? Elle le sait ou pas? Oui, je crois, elle le sait. Pourquoi elle ne m'a pas averti? Probablement parce que ça n'a pas grand intérêt. Tu perds ton travail et ça n'a pas grand intérêt. On va parler des temps qui courent. On rend des temps qui courent. Il s'agit de toi. J'espère que tu as l'intention de te battre. Non, je ne me bats pas, Maxime. Je fais des choses normales. Je réponds aux petites annonces, j'envoie des mails, je poste des courriers. Enfin, si c'est ce qu'on appelle se battre, alors là, oui, là, je me bats. Sans résultat. Pour l'instant. Claude! Maxime me disait que... Tu changeais d'avis? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Bon, je trouvais un peu idiot de me retrouver toute seule alors que vous étiez là. À moins que ma présence ne soit pas... Si, si, au contraire, hein, Claude? Ah oui, oui, oui, au contraire. Où étais-tu? J'ai traîné quelques boutiques. J'ai craqué sur ça, comment tu trouves, hein? Combien? Très cher, mon chéri, rassure-toi. Claude? Oui, oui, oui. Alors, de quoi vous parliez? De qui veux-tu qu'on parle, ma chérie? Claude. Et vous en étiez où? Claude est chômeur, il est chômeur et tu n'as rien dit. Oui, le chômeur. Je te l'avais pas dit? Absolument pas. Ah, il s'est fait jeter de son travail parce qu'il n'était plus rentable. C'est logique de se faire virer. Quand on ne rapporte plus un sou à sa boîte, c'est le drame de beaucoup de gens. C'est surtout le drame des imbéciles. Merci. C'est important. Tu m'étonnes que c'est important, bien sûr. C'est important. Non, j'ai l'impression que ça l'est plus pour lui que pour moi. Ah, parce que pour toi, ça reste une péripétie. Mais je suis pas mort. Si perdre son travail, c'est mourir. Oui, mais ne t'inquiète pas, Maxime va te ressusciter. Je suis sûre qu'il va te dire, lundi, tu viens au bureau, je m'occupe personnellement de ton cas, je connais un paquet de types qui peuvent rien me refuser. Hein, je me trompe? Hein? Maxime? Lundi, tu viens au bureau, je m'occuperai personnellement de ton cas, je connais un paquet de types qui ne peuvent rien me refuser. Tu vas pas mettre en route une machine de guerre. Je vais me gêner. Non, Maxime, d'abord, je te demande rien. Alors, mettons que c'est moi qui te le demande. Non. Je ne suis pas encore dans une situation tragique. C'est quoi pour toi une situation tragique? J'en sais rien. Non, mais il est pénible. J'avais oublié. Bon, Claude, ne résiste pas, sinon on va y passer la journée. Je suis seul, aucune bouche à nourrir à part la mienne. Il faut juste que je sois un peu vigilant sur les finances. Et pour tout vous dire, je ne suis pas au mieux de ma forme pour proposer mes compétences en ce moment. Je serai employeur, je ne m'engagerai pas. Justement, t'es pas employeur, t'es employé. Tout ça à cause de ton divorce avec Astrid. C'est concomitant. Non, ah, c'est pas concomitant, c'est à cause d'elle. Concomitant? Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, on n'efface pas 8 ans en quelques mois. Mais moi, je croyais que tout ça, c'était derrière toi, enterré. La situation comporte quand même quelques avantages. Tu es libre. Non, je suis pas libre, je suis seul. Rentrer dans une maison vide, passer 6 heures d'affilée devant la télé, dormir dans un lit trop grand, te réveiller le matin par le silence, enfin, si c'est ça, être libre. Moi, j'aime le silence. Ouais, enfin, tu parles du silence à deux, ça n'a rien à voir. Mais en fait, Claude, tu nous as jamais donné la raison exacte de votre séparation. La raison exacte, non. Enfin, il n'y en avait pas précisément, ce sont des petites choses, plus des petites choses, c'est une accumulation. Astrid, vous la connaissiez, c'était un volcan, elle crachait le feu. Tout était grave, important, urgent. La vie auprès d'elle était une série de convulsions. Vous étiez destiné à ne pas durer, hein. Tu l'avais vu avant tout le monde, toi, hein. La réunion était bancale depuis le début, ça sautait aux yeux. Il n'y avait qu'à vous regarder ensemble pour savoir que ça ne tiendrait pas. Enfin, la réussite d'un mariage se fait sur des harmonies concrètes. Des similitudes spirituelles, des complémentarités domestiques. Elle faisait une tête de plus que toi et elle passait son temps à mettre des talons de 12 cm, histoire de te dominer encore un peu plus. Il suffisait qu'il mette une opinion pour qu'elle soit systématiquement de la vie contraire. Même les voix. Elle avait la voix qui portait, toi t'as la voix très douce. Quand vous vous parliez, on avait l'impression qu'elle monologuait. Oh non, moi je te sentais complètement écrasée, je comprends pas tes regrets. Tu m'avais jamais dit tout le bien que tu pensais d'Astrid. Et tu me l'avais jamais demandé. Ah, les femmes comme Astrid font d'excellentes maîtresses, mais... de piètres épouses. Un homme attend de la proie qu'il convoite du tempérament, des exigences, des caprices. Allez, disons le mot, qu'elle soit un petit peu emmerdante, hein, ça l'excite. Mais une fois qu'il l'a épousée, alors là, il ne veut d'elle qu'une chose, une seule, de la docilité. Astrid avait tous les attraits de la maîtresse idéale et rien de la femme qu'on épouse. La docilité, vertu indispensable à la longévité du couple. N'est-ce pas, mon chéri? Tu l'as trouvé assorti, toi? Astrid et Claude, oui et non. Ouais. Tu t'es jamais clairement prononcé sur elle? Elle avait ses qualités. Quelles qualités? Une personnalité, une remarquable intelligence. Si elle n'avait pas été la femme de Claude, t'aurais pu... J'aurais pu. J'adore quand tu feins de ne pas saisir une question claire. La question est très claire, c'est sa pertinence qui m'échappe. Et puis si tu le veux bien, ma chérie, restons dans le sujet. C'est la réponse de Claude qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu ressens depuis votre séparation? Forcément un vide. Forcément un vide. Que tu n'as pas cherché à combler avec quelqu'un d'autre? Non, je ne parviens pas à nouer une relation de quelque nature que ce soit. J'en ai ni le désir, ni la capacité. Mais avant. Avant. Maxime veut dire pendant Astrid, hein? C'est bien ça, Maxime, arrête-moi si tu n'as pas pensé. C'est ça. Tu es arrivé à nouer des relations? Non, mais la question me paraît très personnelle d'un seul coup. Elle l'est. Tu veux savoir... Si tu as couchaillé ailleurs. D'abord, Astrid et moi, on travaillait ensemble... ce qui est unanimement déconseillé pour la survie d'un couple, ensemble le jour, ensemble la nuit... De telle sorte qu'il t'était impossible d'entretenir une relation B. Ça m'était, disons, difficile. Impossible ou difficile? Parce que quand on est très motivé... On surmonte l'obstacle. Hein, mon chéri? Hop! Bon, ça demande quelques qualités, hein, de l'imagination, du bon sens, une bonne dose de cynisme, pas mal de mémoire, mais bon, il faut rien exagérer quand même, hein. Ça reste à la portée d'une intelligence moyenne, hein. Si en plus le conjoint n'est pas spécialement soupçonneux, ce qui était le cas d'Astrid, si, c'est vrai, non, elle t'emmerdait sur des tas de choses, mais il faut lui rendre cette grâce, elle ne te suspectait pas d'aller voir ailleurs. Elle était trop sur elle-même. Ah, bonne analyse. Oh, merci, mon chéri. Est-ce que tu trompais Astrid? Non, mais là, c'est quand même très... Confidentiel, oui, c'est très confidentiel. Et c'est moi qui te le demande. On est entre nous. Je peux te poser une question confidentielle. Je ne suis pas un parfait inconnu. Moi, par exemple, je peux te faire un paquet de confidences. Personnelles, professionnelles, même bancaires. À toi, je dirai tout. Vas-y, interroge-moi. Vas-y, demande. Fais-lui plaisir. Pose-lui une question. Il adore parler de lui. Claude, mon Claude. Moi non plus, je n'ai pas toujours été exemplaire. Qui ici est exemplaire? On est tous des êtres imparfaits, complexes, laborieux, farcis, paradoxes. Tiens, ce matin... Pas plus tard que ce matin, j'ai avoué à Jeanne qu'il m'est arrivé de déroger aux règles conjugales. J'ai avoué comme ça, spontanément. Spontanément, c'est pas le mot. Hein. Oui, on a marchandé un peu. Ce qui en aucun cas n'a amoindri mes sentiments pour Jeanne. Marilyn Lemaire. Anne Vikovitch. Anne Vikovitch. Imprononçable. À toi, ça n'évoque rien. Pour moi, c'est déjà un peu flou. Mais peu importe. Ce qui compte, Claude, c'est qu'il m'a été facile d'en parler. Tout à l'heure, il avait du mal à se décoincer. Et là, il est intarissable. Je me sens beaucoup mieux. Serein, libre, aérien. D'autres noms te sont revenus? Quelques-uns, mais qui ne te diraient pas plus que les précédents. Mais quels noms? Les noms des femmes que Maxime a rencontrées pendant notre mariage. Vas-y, il t'a raconté tout en détail? Non, non. Les grandes lignes, leur nombre. Oui, j'en ai avoué une douzaine. Ah ouais, quand même. Maxime trouve le chiffre très raisonnable. Hein. Jeanne en a eu beaucoup moins. Tu veux savoir combien? Dis-lui, Jeanne. Un seul. Ah bon? Hein? Ça t'étonne? Non. Oui. Qui? Qui? Voilà. Tu le demandes, et ça justement. Elle a refusé de le dire, toi qui la connais bien. T'aurais pas fait quelques confidences? À moi, alors. Non, dédramatise, désacralisons. Moi, quand il m'est arrivé de commettre quelques écarts, je me suis jamais senti dans des dilemmes effroyables ou cornéliens, des femmes croisées, anecdotiques. Des passantes. Implication minimum, lieu impersonnel, durée limitée, soluble. Non mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire tout ce déballage? Non, moi je refuse d'entendre ça, ça ne me regarde pas. Vous avez des comptes à régler entre vous, ne me mêlez pas à vos histoires. Il n'est pas question de nous, il est question de toi. Là, je t'aide à te désencombrer. Alors, liaison hors mariage. Oui ou non? Bon, encore une fois, Maxime, j'insiste, c'est pas pour ça qu'Astrid et moi avons divorcé. Il y avait d'autres composantes. D'accord, mais on a bien compris, il y avait d'autres composantes. Alors laissons les composantes de côté. Est-ce que ça veut dire oui? Moi, je le connais mieux que toi, quand il s'accroche, il lâche plus. Oui, la réponse est oui, j'ai eu une liaison hors mariage. Et ben voilà. Question simple, réponse simple. Tu as eu une relation hors mariage, condamnable, certes. Mais remettons les choses à leur juste place. Tu n'as tué personne. J'en suis pas spécialement fier. Tu es un être humain. Il n'y a que des êtres humains ici. Si la condition d'humain, c'est mentir et dissimuler, là j'ai été honteusement humain. À chaque entrevue, c'était des acrobaties invraisemblables. Vous aviez des relations acrobatiques? Non, des acrobaties pour justifier mes absences. Les alibis? Et oui, les alibis, bien sûr. Les alibis, c'était le tennis. Tu jouais au tennis, Astrid ne jouait pas, donc je suppose que tu utilisais le tennis. Non, enfin non. Alors, si c'était pas le tennis, c'était quoi? Je sais plus. Essaie de te souvenir. Des déplacements à l'étranger? Pas mal, ça, les déplacements à l'étranger. Bon, classique, mais efficace, hein, mon chéri? Oui. Et ça a duré combien de temps? Bon, tu crois pas que j'en ai assez dit comme ça? Non, Claude. Non, Maxime trouve tes réponses très insuffisantes. J'ai prononcé le mot liaison. Donc, liaison égale quelques temps. Quelques temps, oui, voilà. Combien? Je sais pas, moi, je tenais pas un journal de bord. Plusieurs mois. Oui, disons plusieurs mois. 6, 7, 9. 9, oui, ça devait être ça. Elle en valait la peine, alors? Qui? Comment ça, qui? Oui, elle en valait la peine. Elle était comment? Très attirante. Une certaine classe. Difficile de penser qu'un homme aurait pu être indifférent. Mais ça n'était pas que physique entre vous. Là, je peux répondre que pour moi. Évidemment, tu peux répondre que pour toi. Elle, je lui pose pas la question, puisqu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais elle t'a jamais rien dit de ses sentiments? Un petit effort. Non, elle ne m'a jamais rien dit. Quoique elle aurait pu te le dire autrement qu'avec des mots. Hein? Il n'y a pas que les mots. Elle était... Elle était réactive? Qu'est-ce que ça veut dire réactive? Elle aimait faire ça avec toi? Oh, c'est difficile à dire. Ah non, c'est très facile. Quand une femme couche, ou elle manifeste, ou elle ne manifeste pas, des cris, des gémissements, des spasmes. Il n'y a qu'à ouvrir les oreilles. Non, pas d'accord. Non, non, une femme peut ne pas manifester et ressentir. Comme elle peut manifester sans rien ressentir du tout. Il y a des cris qu'on fabrique. Qu'on fabrique? Nous, les femmes, on a le pouvoir de falsifier le plaisir. Non, pas vous. Chez une femme, le baromètre, c'est la voix. C'est un organe beaucoup plus contrôlable que celui de l'homme. Hein. Simuler l'extase, l'ivresse du sexe, aucune femme ne s'en prive. Non, non. Hein. Ouais. Et souvent d'ailleurs par amour pour son partenaire. Hein. Rien de plus simple que halter bruyamment. Vous laissez échapper des petits cris de singe qui vous font croire que vous avez atteint l'objectif suprême, alors que vous en êtes si loin. Parfois à des années-lumière. Bon, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous réunissait d'autre? Une liaison de 9 mois ne peut pas être strictement horizontale. Non. Ben, alors? Alors, il y avait des moments légers. Elle riait beaucoup. Elle riait, elle? Peut-être que là aussi, elle faisait semblant. Elle simulait. Ben, qu'est-ce qui la faisait rire? Bon, alors, comme quoi, ça... Quoi? T'as pas un exemple? Essaie de te souvenir. Oui, une fois, je lui racontais une histoire drôle, une blague, et elle a ri. Tu sais raconter les blagues, toi? Non. Mais je me suis lancé parce que moi j'avais ri quand on me l'avait raconté, alors je l'ai raconté à mon tour. Ah ouais. Tu te souviens de la blague? Je ne suis pas certain qu'elle fasse le même effet. Ah, vas-y, moi je suis très bon public. Non, c'est ridicule. Non, je suis sûr que je vais rire. Non, comme ça, hors contexte, c'est nul. Mais pourquoi hors contexte? On est dans le contexte. Je ris d'avance. Bon, ben, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un fou qui est dans un asile et qui tient une laisse avec au bout une brosse à dents. Le directeur arrive et dit « C'est votre chien que vous promenez comme ça en laisse? C'est que les chiens sont interdits. » Alors le fou répond « Non, non, non, monsieur le directeur, non, vous voyez bien, c'est une brosse à dents. » Alors le directeur dit « Ah, excusez-moi alors, si c'est une brosse à dents. » Le directeur s'éloigne et il y a le fou qui dit à la brosse à dents « Heureusement que t'as pas aboyé, sinon on se faisait virer. » Et voilà. Elle est drôle. Impossible. Quand même. Non, parce que j'en connais des plus drôles et tu ris jamais. Mais toi, tu sais pas les raconter. Elle te fait pas rire? Je sais pas pourquoi, mais elle a ri. Jeanne? Peut-être que notre invité a envie de passer à table maintenant. Ah oui, je suis affamé. Bon, on continuera après. Tu as préparé quelque chose? Non, hein? Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Ah. Tu veux bien t'en charger? Moi? Oui, toi. Tu veux pas m'accompagner? Non. On va pas laisser Claude attendre tout seul. Hein. Tu pourrais y aller toi-même? Non. Pourquoi? Pas envie. Pourquoi? Pas envie. Tu as dit que l'absence d'Amalia ne posait pas de problème, tu la remplaces. J'y vais. Oui, c'est ça. dit rien? À quel propos? Comment tu trouves ma robe? Belle. Ah, non, tu as un ton sinistre. Je cherche pas à t'arracher des compliments, hein, sois franc. Belle. Tu dors toujours aussi mal? À ton avis? Je te pose la question. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrange. Hein. Maxime a raison, tu devrais te reprendre en main. Mais si tu commençais par retrouver du travail, tu aurais des journées plus organisées, tu serais obligée de te lever à heure fixe. Et qui sait, avec ton nouveau travail, tu feras peut-être de nouvelles rencontres. Je tiens pas à faire de nouvelles rencontres. Tu vas continuer à vivre dans le souvenir d'Astrid? C'est pas dans le souvenir d'Astrid que je vis. De qui alors? On peut faire un tennis la semaine prochaine si tu veux. Toi tu veux? Un tennis? C'est toi qui décides. En ce moment, je suis libre tous les jours. Je t'appelle. Mais quand tu veux. C'est vrai, dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est? Légumes grillés à la nette avec un filet d'huile d'olive par-dessus. Oh! Ce sera pas aussi bien qu'avec Amalia. Mais bon. Bon. Je vais mettre la table. Tu m'en veux pas? Je pensais pas que j'allais subir un interrogatoire en règle. Ça fait du bien de se parler vraiment. Ça décape. On se dit des choses, c'est ça l'amitié. Pouvoir tout poser sur la table. Je connais un paquet de gens plus ou moins proches, et qu'avec toi, tu peux me lâcher comme ça. Ah oui, pour te lâcher, là, tu t'es lâché. Qu'est-ce que t'attends pour en faire autant? Non, j'ai dit tout ce que je pouvais. Sauf avec qui t'as fricoté. On va manger, on va boire, on sera beaucoup plus détendu tout à l'heure. Quelqu'un t'a vu? Je sais pas. Il y avait du monde dans la boutique? Non, seulement la vendeuse. Si quelqu'un m'a observé, ça ne peut être qu'elle. Hein. La vendeuse? Ouais. La vendeuse t'a observé? Il y avait 3 cabines. Elle m'a désigné précisément, et en insistant, celle d'où on peut être vu. Ah, tu veux dire qu'elle a fait exprès? Je sais pas. Et en admettant? Ah non, je ne m'offusque pas. Je dis juste que ça doit être agréable de travailler dans ce genre d'endroit quand on aime regarder. Une femme qui regarde une autre femme. À la façon dont elle m'a reçue, non, j'ai senti autre chose. Tu as senti quoi? Ce qu'elle était. Tu vois, elle ressemblait à un mec? Mais non, pas du tout, mais... Non, mais plutôt une façon de dire bonjour, de toiser, de remercier. Elle était particulièrement gentille. Tu veux que je te dise, moi, si j'étais une femme et que j'avais été à sa place, j'aurais été, mais... très gentille avec toi. Moi, quand il s'agit de femmes, je trouve ça très beau. Pas toi, Claude? Autant deux hommes entre eux, bon, et quelque chose de... Alors que deux femmes... je trouve ça... gracieux, esthétique. Oui. Ah, j'ai tort. Non, il n'y a pas à avoir tort ou raison, hein, c'est une affaire de goût. Claude. Je sais pas. T'as jamais essayé? Quoi? Avec une femme. Si. Ah bon? Toutes les femmes ont au moins essayé une fois. Hein. T'as essayé combien de fois? Une fois. Tu devais être très jeune. Hein. C'est des trucs de pensionnat, ça. Hein. De pensionnat de jeunes filles adolescentes. Tout un univers. Maxime. Maxime, j'ai jamais mis les pieds dans un pensionnat. Hein. Jamais. Attends, tu veux dire que c'est arrivé? Plus tard, beaucoup plus tard. Comment ça, beaucoup plus tard? Café, non? Personne? Récemment? Hein? Ah, oui. Enfin, non, tout dépend de ce que tu entends par récemment. Mais, je la connais. Tu la vois tous les jours. C'est Amalia. Oh. Amalia. Amalia, oui. Attends. Oui, j'attends. Tu veux dire qu'avec Amalia, t'as eu une expérience... vous, ensemble, vous avez... Oui. Amalia... Amalia, elle est jeune, elle est très jolie, mais en fait, bon, voilà. Comment ça, voilà? Qu'est-ce que tu veux savoir, Maxime? Amalia, la bonne? Oui, la bonne, comme tu le dis si délicatement. Mais où, pour quand, pourquoi, comment? Tu étais absent, j'avais envie, pas avec toi, j'étais très nerveuse, très irritable, Amalia m'a proposé un massage... J'ai dit oui, pour essayer. Je me suis déshabillée, couchée. Elle m'a enduit le corps d'huile d'amande douce. Et elle t'a massé. Elle a commencé par un massage. Après... Après quoi? Oh, écoute, Maxime! Amalia! Oh là là! T'as entendu? Oui, je crois. Mais c'est répugnant! Mais non, Maxime! C'est comme tu disais, gracieux, esthétique. Non! Mais c'est pas vrai. Et pourquoi ce serait faux? Papa, je ne peux concevoir que l'épouse aimante qui m'accompagne depuis tant d'années et puis derrière mon dos se livrer à de pareilles abominations. Enfin, tu mens, tu dis ça pour me bousculer. Non, Maxime. Tu le savais, toi? Mais pourquoi je le saurais? Parce que t'as pas l'air étonné. Ce sont des choses qui existent. Neuf mois. Pardon? Votre affaire a duré 9 mois. Comment ça? Je te pose une question. Hein? Ah non, c'était juste une après-midi. Après, il n'y a plus jamais rien eu. Je récapitule. Votre histoire n'a pas duré 9 mois. Non, je te le répète. Une seule fois, une après-midi, point final. Donc, retour, case départ, point zéro. Ce n'est pas d'Amalia que tu me parlais ce matin. Ah non, c'est pas d'Amalia que je te parlais ce matin. Très bien, donc ça ne fait pas un, mais deux. Comment? Amalia, c'est déjà une personne. Oh, ben non, mais... Ah non, Amalia... Mais non, mais Amalia, c'était un moment suspendu. Ah oui, bon, là, c'est trop facile. Hein. Alors, toi, tu appelles ça un moment suspendu. Un coup d'homme, et c'est effacé. Tant qu'à faire, il n'y a qu'à suspendre tous les moments. Hein? Et comme ça, on arrive tranquillement à zéro. Non. Il n'y a pas de moment suspendu qui tienne. Moi, j'ai rien suspendu du tout. J'ai comptabilisé tout le monde. Tout compte. Mais enfin, Maxime, tu étais toi-même d'accord pour dire qu'entre deux femmes, tout c'était... compte. Ah, bon, d'accord. Alors, rectification de... 12 de... Comment tu veux que je te fasse confiance si tu truques les chiffres? Non. Toi, pardon, mais moi, dans ma petite tête, ça rentrait pas du tout dans la même catégorie, hein. Si tu avais une relation avec des hommes, j'aurais très bien compris que tu ne mélanges pas avec les femmes. Je vais peut-être vous laisser, là. Non, non, tu bouges pas, tu restes. Maxime... Tu restes. Tu deviens très menaçant. Hein. Absolument pas, on va arrêter de procéder par circonvolution. Je n'ai qu'une question à te poser, c'est même la raison pour laquelle tu es là, une question à laquelle tu vas me répondre par oui ou par non. Pas de faux fuyant, oui ou non. Tu vois, la question est très simple. Si ta réponse est non, je te croirai. Si ta réponse est oui, je ne te ferai aucun reproche. Je veux que tu saches que, quoi qu'il ait pu arriver, tu es mon ami et tu resteras mon ami. Tu m'entends bien ? Ça me fait toujours très peur quand on me parle comme ça. Je n'attends que la vérité, rien d'autre que la vérité. Cette liaison que tu as eue pendant ton mariage avec Astrid, ces 9 mois, c'était Jeanne ? Non. Tu me réponds non ? Non, tu es en train... Tu me demandes si j'ai eu une liaison avec Jeanne ? Ça arrive dans tous les milieux. Tu me demandes... C'est inutile de répéter la question puisque tu l'as entendu. Oui, je te le demande. As-tu eu une liaison de 9 mois avec Jeanne? Est-ce que c'est de Jeanne que tu me parlais tout à l'heure? Et tu ajoutes que si je te répondais que j'ai bien eu une relation avec elle, tu resterais mon ami. Oui. Tu comprends pourquoi tu es là? Mais Maxime... Tu déjantes complètement. Qu'est-ce que c'est que cette morale de chiottes? Morale de chiottes? L'amitié, c'est pas un mot comme ça. Ça suppose des devoirs, des obligations, des interdits. L'amitié, c'est pas faire à l'autre n'importe quoi en se disant que c'est pas grave puisqu'on est amis. C'est même exactement le contraire. Jeanne, contredis-moi hein, si tu penses autrement. De l'amitié, il y a autant de définitions que d'individus. Hein. Moi, je dis, on pardonne plus facilement à un ami qu'à un étranger. Pas d'accord. Moi, mon meilleur ami me prend ma femme, je deviens... Enfin, je sais pas, mais ça finit en fait divers. Je place notre amitié au-dessus du mariage. Mais là, c'est une conception que je ne partage pas. Moi, si j'apprenais qu'Astrid a connu quelqu'un pendant notre mariage, je serais évidemment pas très content. Mais si la personne en question était mon meilleur ami, c'est-à-dire toi... N'inverse pas les rôles. Non, non, là, j'essaie de te faire comprendre. Mais n'essaie rien de me faire comprendre. Je t'assure qu'il ne t'arrivera rien. Si tu me réponds que vous avez couché ensemble, les torts seront partagés. Tout peut arriver, tout. Jeanne s'est bien gouinée avec la bonne. Alors pourquoi est-ce que vous n'auriez pas eu une petite expérience tous les deux, je ne sais pas moi, dans les vestiaires sous la douche après le tennis? Il suffit d'une fois, on prend le pli et on arrive sournoisement à 9 mois. Bon. Bon, quoi? Je vais te répondre. Alléluia. Tu es content? Si j'ai bien compris, je ne peux pas me dérober. Aucune échappatoire possible. Aucune. Mais auparavant... Quoi encore? Non, non, juste une chose. Une chose. Tout à l'heure, avant le repas, tu as prononcé 2 noms. Tu te souviens? Tu m'as donné 2 noms de femmes. Possible. Alors? Des femmes que tu disais avoir connues. Tu as pensé que ces noms ne me diraient rien. T'en étais même sûr. Quel nom? Alvikovitch et... Marilyn Lemaire. Marilyn Lemaire. Marilyn Lemaire, je ne vois pas. Alvikovitch, en revanche, a travaillé avec ta société comme juriste au moment où nous étions tous les deux en affaires. J'ai donc connu Anne Vikovitch, une petite blonde assez piquante. Jolie? Pas jolie. Piquante. Bon. Il se trouve que j'ai eu affaire à un certain trajet en voiture avec elle, en tête à tête, une signature de contrat où la présence d'un juriste était nécessaire, 200 km de route, et c'est elle que vous m'avez adjointe. Alors ? On a fait le voyage ensemble, elle savait nos relations, elle m'a parlé de toi en bien, je te rassure. C'était une femme assez attirante et un peu mélancolique. Moi, j'étais marié avec Astrid. On faisait encore semblant de ne pas nous apercevoir que notre mariage prenait l'eau. Enfin bref, retour à Anne Vicovitch. On a eu une panne sur la route. Une petite route, une route que même les cartes ignoraient. On s'arrête, rase campagne, pas une habitation en vue. J'ouvre le capot, ça fume de partout. Anne est sortie de la voiture, elle m'a rejoint. Bon, elle a attendu que la fumée se dissipe et elle s'est penchée à son tour sur le capot. Elle n'y connaissait rien. Mais nos bras se sont touchés. Cette proximité, ce frôlement a duré quelques secondes, mais ce sont des secondes très distendues dans ces moments-là. Enfin, tout le monde sait ici de quoi je parle. J'étais partagé entre deux sentiments, l'irritation et le désir. Très bizarre, comme impression. Alors, commencez à me dire à quelle heure cette histoire allait nous faire rentrer à la maison. Je fulminais, bon, c'était ma voiture, hein. Là, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. J'ai sorti mon portable, non, parce que j'avais un numéro d'urgence en cas de panne. Là, je me suis dit, s'il me demande plus de 2 heures de délai, oh, je tente quelque chose avec Anne. Non, si c'est moi, je bouge pas. J'ai donc appelé. Et qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qui pouvait m'envoyer une dépanneuse dans la demi-heure. Alors j'ai appelé Astrid pour la prévenir du retard et pendant notre conversation, qui n'a même pas duré une minute, j'ai entendu, au bout du fil, une sonnerie de téléphone, une musique idiote, hein, c'était la symphonie numéro 40 de Mozart, version téléphone mobile. C'était pas ta sonnerie, Maxime ? Hein ? Mais ton portable de l'époque, il jouait pas cet air-là ? Impossible. Comment ? Possible ? Ah non ! Non, c'est sûr, je confirme. Bon, alors pour en finir avec Anne, j'ai dû la décevoir, mais c'est strictement rien passé, mais interpellé par Mozart, j'ai voulu en savoir plus. Et c'est toi que j'ai appelé, Maxime, juste après Astrid. T'as répondu. Ta voix était tendue, presque méconnaissable. Une sorte de, comment dire, de neutralité fabriquée. J'ai eu un éclair affreux. Astrid et toi. Maxime ? Je comprends pas pourquoi il parle de ça tout à coup. Tu vois pas ? Non, il passe totalement à autre chose. Mais non, il passe à rien du tout. Je sors pas du sujet. Je viens de te dire que j'ai compris que ma femme passait un moment avec mon meilleur ami. C'est vrai ? Défends-toi. La question est, si je résume bien, est-ce que pendant ta panne avec Anne Vicovitch... Mais je te pose pas de questions, Maxime, je t'ai posé aucune question. Je sais. Maxime, tu n'as rien à dire ? Moi, je vais avouer, puisque... Avec Astrid, oui. Je croyais n'en connaître aucune. Sauf Astrid. Ah. Tu admets que tu m'as menti ? Par omission. Non. Menti, avec des mots. Tu m'as affirmé que tu avais toujours eu la déontologie de ne jamais toucher à nos relations. Tu m'as menti, Maxime. Astrid, je l'ai désiré dès que je l'ai vue, comme un fou. Ce n'est pas contre toi. Jeanne, ni contre toi, Claude. Elle avait ce qui m'attire le plus, ce regard qui vous prend de haut et qui ne vous laisse aucun espoir, parce que quand elle capitule, il y a... « des forces qui vous emportent très loin. Astrid, c'était ça. Plus de raison, plus de morale, plus de garde-fou. Votre mariage était absurde, condamné d'avance. Mais même si vous aviez été heureux, je crois que j'aurais quand même tout essayé parce que c'est plus fort que moi, parce que je suis comme ça. C'est ça que tu voulais me faire dire? C'est ça que tu es venu chercher? Tu as gagné, bravo, il a gagné. Très fort. Donne-moi ta réponse maintenant et on sera quitte. On est quitte, Maxime. Depuis quelques instants, on est quitte. Je te dirai plus rien. Si Jeanne a envie de répondre, qu'elle le fasse. Moi, non. On t'a dit tout ce qu'on pouvait te dire. C'est vicieux ce que vous faites tous les deux. J'ai avoué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? J'ai avoué. Merde. De toute façon, qu'est-ce que j'ai besoin de l'entendre de votre voix? La réponse est oui. Sachant que je t'avais volé Astrid, tu t'es pas gêné avec Jeanne, hein, œil pour œil. Astrid et moi, on se ressemble, mais vous aussi, vous vous ressemblez. Vous avez toujours été attirés l'un par l'autre. Comment peut-on croire qu'il ne vous soit jamais venu à l'esprit de enfin, se venger d'un type comme moi qui ne respecte rien? C'est pas se venger, c'est rendre la justice. Mais il n'était pas passé par la tête que même blessé, Claude puisse continuer à conserver des principes. Bon, ben, Maxime. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je te laisse te débattre tout seul. Tu peux pas partir comme ça. Si... Maman, je veux ma réponse. Non, lâche-moi, Maxime, s'il te plaît. Non, tu me lâches. Pour le boulot, ne fais rien. Ne te complique pas. Inutile de lever une armée. Je m'en sortirai tout seul. C'est lui. C'est lui, ces 9 mois, c'est lui. Tu l'as aimé, il t'a aimé et il t'aime encore, d'ailleurs, ça se voit. Tu n'en doutes plus, alors cessons d'en parler. Il n'a pas téléphoné par hasard. Il n'a pas téléphoné par hasard. Peut-être pas. Peut-être. Arrête avec tes peut-être et peut-être pas. Dis-moi, c'était lui ou... C'était pas... Putain, dis-le moi! Ensemble depuis quelques mois et on s'était retrouvés tous les deux sur une plage déserte. Toi tu voulais absolument te baigner, moi j'avais peur, la mer était démontée. Je me suis assoupie et quand je me suis réveillée, t'étais plus là. J'étais complètement affolée, je courais dans tous les sens, je criais, je pleurais, j'étais prise de panique, j'ai cru que tu t'étais noyée. Et toi, pendant ce temps, tu étais cachée derrière la dune et tu me regardais. Juste pour vérifier mes sentiments, tu te souviens? Eh ben tu vois, ça, c'était rien à côté de ce que j'ai enduré après. des journées entières à t'imaginer, à me demander avec qui tu es. J'essayais de te faire comprendre que je savais, mais tu voulais pas voir, alors je me raisonnais. Il ne peut pas s'en empêcher. T'es plus fort que lui. Mais tiens-toi, laisse-le tranquille. Autant que c'était des inconnus. Bon. Mais Astrid. Astrid. J'étais déjà pleine de complexes devant elle, alors quand je l'ai su. Un jour, elle a levé les yeux sur moi, tu sais, le regard dont tu parlais tout à l'heure. Elle n'a pas prononcé une phrase, juste ses yeux. Et j'ai compris au mot près tout ce qu'elle me disait. Ce silence, c'est pas possible. Dis-moi la vérité et je te promets d'arrêter. Non. Non, non. Je pense que tu arrêteras tant que tu ne sauras pas. Ce mystère. C'est ma force. Et je ne faiblirai pas, mon amour.